Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Aujourd'hui, je vous propose de faire dialoguer deux philosophes qui viennent de publier deux livres très différents, mais non sans rencontre possible. Voici notre question. Dante représente-t-il une effraction moderne en plein Moyen-Âge ? Le philosophe Pierre Bourette a en effet publié cet automne chez Gallimard un livre intitulé « Sur Dante », livre dont la thèse est l'extraordinaire modernité de l'auteur de la Divine Comédie, ce grand poème composé de trois parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Modernité parce que Dante fait fi de tous les interdits de la théologie, il se balade tout seul dans ces lieux mystérieux, accompagné de Virgile, et capable ensuite de revenir tout simplement parmi nous pour nous raconter. Modernité aussi parce que Dante était un acteur et un penseur politique, et cela se voit aussi dans la Divine Comédie. Bref, Dante n'obéit à aucun des canons habituels de la création artistique du Moyen-Âge. Cette liberté, on peut se demander s'il ne faudrait pas lui appliquer le concept d'effraction. Concept que développe le philosophe Marc Goldschmidt dans un livre qui vient de paraître chez Quimet et qui s'intitule « L'effraction esthétique, l'écriture de l'art dans le discours philosophique ». L'effraction, c'est selon cet ouvrage ce qui défie tout, même la conceptualité philosophique. C'est pourquoi les penseurs les plus profonds de l'esthétique ont précisément pensé l'œuvre d'art comme une effraction de cette sorte. Bonjour Marc Goldschmidt. Bonjour Géraldine Mühlmann. Et bonjour Pierre Bourette. Bonjour Géraldine Mühlmann. Je suis très heureuse de vous accueillir pour mener ce matin avec vous ce dialogue un peu improbable, mais que je crois assez pertinent et fécond. Notre question, je le rappelle, c'est celle-ci. Est-ce que Dante était une effraction moderne en plein Moyen-Âge ? C'est un Botticelli. It's his map of hell. Sa carte de l'enfer. He painted it as an illustration of Dante's Inferno. Il a peint ça pour illustrer l'inferno de Dante. I studied Dante when I was younger. J'ai étudié Dante quand j'étais jeune. Probably in kindergarten. À la maternelle, j'imagine. C'était un peu obsessionnel. Dante defined our modern conception of hell. Dante a façonné notre conception moderne de l'enfer. Notre image de celui-ci n'a guère changé depuis qu'il l'a établi il y a 7 siècles. Botticelli l'a dessiné, mais c'est Dante qui a créé l'enfer tel que nous le connaissons. Voici ce que je ne cesse de voir. Des supplices. Des pécheurs. Marqués au fer rouge. Des menteurs recouverts d'ulcères. Des devins, la tête tordue vers l'arrière. Des serpents. Le châtiment pour les voleurs. Serpent. The punishment for thievery. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un film tiré du roman de Dan Brown, Inferno. Ce film a été réalisé par Ron Howard en 2016. Et évidemment, il montre bien tout ce que le livre de Dante et la figure de Dante a encore de fascinant. Dans ce film, un homme est en train de déclencher une épidémie en utilisant des références à l'enfer de Dante. Et un autre homme essaye de l'en empêcher. Là, on l'entend se réveiller dans un hôpital italien. Il va s'associer à un médecin pour neutraliser le malfaiteur. Du mal, donc, du poison, peut sortir de l'enfer de Dante, suggère ce roman et ce film contemporain. Pourquoi, d'après vous, Pierre Bourette, y a-t-il toute cette aura sulfureuse et fascinante autour de Dante et singulièrement autour de cette partie dans la Divine Comédie qui s'appelle l'enfer ? Alors, cette partie, effectivement. Il y a, c'est cette partie-là qui continue de nous fasciner, disons. C'est-à-dire, c'est une réduction de Dante à la comédie et de la comédie à l'enfer. Mm-hmm. Bon, ça, je crois, mais Marc Goldschmidt, je crois, sera d'accord avec moi, que c'est la redécouverte de Dante à l'époque du romantisme qui a un peu donné cette configuration dans laquelle on oublie tout ce qui n'est pas Dante, ce qui n'est pas la comédie, et on a tendance à laisser de côté le purgatoire et le paradis au profit de l'enfer dantesque. Parce qu'on adore se faire peur. Parce qu'on adore se faire peur. Le terme dantesque, personne n'aurait l'idée de dire ce ciel sublime, c'est un ciel dantesque. On dira ce ciel sublime, c'est la loi morale en moi. On y verra du Kant, mais on n'y verra pas du Dante. Alors que littéralement, on pourrait dire d'un ciel sublime, c'est un ciel dantesque, c'est le ciel du paradis. Non, dantesque pour nous, c'est effectivement l'enfer, et c'est l'enfer lui-même un peu caricaturé, parce que l'enfer de Dante, oui, ce sont des visions terrifiantes. Donc là, je ne connais pas le film dont on vient de passer un extrait, mais j'imagine bien, et ça une fois encore, ça se met en place à l'époque du romantisme. C'est quelque chose de terrifiant. C'est quelque chose où on voit des peines terrifiantes pour des fautes terrifiantes. L'enfer de Dante, c'est d'une subtilité absolument extraordinaire. Quand on essaye de déchiffrer la logique de ce qu'il appelle le contrapasso, qu'on traduit à tort comme loi du talion, parce que justement, c'est pas la loi du talion. Le contrapasso, c'est le contrepoint, la contrepartie dans l'au-delà, dans l'enfer, des fautes commises sur la terre. C'est d'une extraordinaire subtilité. Subtilité construite sur des catégories morales, sur des catégories de la philosophie d'Aristote, pas sur les catégories théologiques, pas sur les péchés capitaux, etc. C'est d'une extraordinaire sophistication intellectuelle qui est à contrario de, bon, une fois encore, cette manière dont on a un peu figé dans notre imaginaire Dante sur l'enfer et un enfer terrifiant. Et voilà, une partie des reprises les plus courantes de Dante, c'est ce Dante-là. Donc Dante, il est né en 1265, il mourra en 1321. Ce livre, on l'a trouvé, je crois, à la fin de sa vie. C'était posthume, si je ne me trompe pas. Il a commencé à circuler, mais par morceaux de son vivant. On sait très peu de choses, biographiquement. On sait très peu de choses, comment les livres Florentins, ont commencé. Les Florentins, voilà. Alors, les Florentins n'ont pas aimé Dante pendant très longtemps. Alors ça, on va y venir. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de ce que dégage ce texte et pourquoi il fascine tant. D'ailleurs, on va décrire un petit peu. Marc Goldschmidt, d'après vous, pourquoi ce texte a tant d'aura délicieusement effrayante? Parce que c'est quand même une jouissance, je pense. Ceux qui vont chercher Dante pour se faire peur, il y a quand même un obscur plaisir. D'abord, je veux dire que je suis ici comme à la fois amateur de Dante et que le geste de l'émission, c'est-à-dire télescoper ou confronter le livre de Pierre Bourrette sur Dante et mon livre qui porte sur un champ qui va de Kant à Benjamin, Freud et Nietzsche et au-delà à l'héritage de la modernité chez les philosophes français de l'art que sont Merleau-Ponty, Foucault, Derrida, Lyotard et Rancière. C'est un geste moderne, d'une certaine manière. C'est un geste de rupture. Elle-même, je vous remercie de cette qualification. C'est vrai que, à la fois, le fait que vous ayez écrit sur ces modernes, post-modernes, au-delà de la modernité, on verra comment on les qualifie, avec un geste esthétique au centre de cette philosophie-là, qui est de penser l'esthétique, justement, comme une effraction, ça permet, je pense, de lire certaines choses dedans. Donc, d'où cette confrontation. Mais là, je voudrais juste vous demander si les romantiques, puis les modernes, post-romantiques, puis les post-modernes, ont vraiment eu un rapport à Dante. C'est quand même juste une curiosité, historique. Alors, les romantiques allemands qui m'intéressent en premier lieu, le mouvement romantique est un mouvement très très fugitif postérieur à la troisième critique kantienne, donc qui date de 1788-89. Donc le romantisme allemand autour de la revue L'Athénaum, du travail des frères Schlegel et de Novalis, et pourquoi pas aussi à la marge de Hölderlin. Je pense que ce romantisme-là qui va à la fois donner accoucher de la modernité et d'une modernité qui va interrompre le romantisme, hein, une espèce de mouvement paradoxal. Ce romantisme-là allemand, je pense qu'il passe par-dessus Dante. C'est-à-dire, il s'intéresse, il hérite davantage des Grecs, comme je pense à un texte de Lerlin, un texte de, entre guillemets, jeunesse, qui s'appelle « Le communisme des esprits », dans lequel Lerlin dit que le rapport au Moyen-Âge, le pont s'est écroulé. Et donc, et il va se reconstruire avec les romantiques allemands, c'est ça que avec vous voulez dire? Peut-être, il revient, Dante revient en partie comme poncif, j'ai envie de dire, à cause de, certainement, de l'intensité des images de l'enfer. Il revient parce que les romantiques français s'intéressent à la fois au terrible et au grotesque qu'on peut rencontrer dans les images, dans les figures de l'enfer. Bon, alors on en parle de cet enfer. Donc cet enfer, il est constitué de 9 cercles concentriques, c'est ça, Pierre Bourrette, je parle sous votre contrôle. Et alors, est-ce que c'est si terrible? Ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a dans chaque cercle des types d'individus qui sont punis. Je ne comprends pas d'ailleurs très bien. C'est plus grave quand on s'approche du 9e cercle. Oui. C'est de plus en plus grave, on est d'accord. De plus en plus grave. Donc on passe vers les fautes les pires. Donc au début, il y a notamment premier, deuxième cercle, les luxurieux, les jouisseurs, serait-on tenté de dire. Ensuite, il y a les gourmands, on a tous les péchés capitaux. Ensuite, on a les avares et les prodigues. Ensuite, on a les colériques, puis les hérétiques, puis les violents, et enfin, neuvième et dernier cercle, les traîtres. Traître à la parenté, traître à la patrie, pardon, traître à leurs hôtes. Cette progression du vice et donc du châtiment est normale pour l'époque, Pierre Bourrette. Elle est normale pour l'époque et en même temps, la construction n'est pas normale pour l'époque. La construction n'est pas celle des théologiens. Ça commence effectivement doucement sur l'ordre des péchés capitaux. Puis il y a un moment au champ 7 où ça commence à complètement se brouiller et ça devient une construction qui est une construction de Dante. Voilà. Une construction, je dirais pas dantesque, parce que justement, on va croire que Dante a surtout voulu faire monter en dramaturgie dans l'horreur. Non, c'est une construction de Dante avec d'extraordinaires subtilités dans cette logique de la faute et de sa contrepartie. Mmh. Bon. Et qu'est-ce qu'on leur fait comme horreur? Ben, il y a des horreurs, par exemple, chant 5, les luxurieux, Francesca da Rimini et son amant, leur faute a été découverte au moment où ils lisaient Lancelot du Lac et où leurs bouches se rapprochaient pour se donner un baiser. Leur punition, la punition des hommes et des femmes comme eux, c'est d'être portés par le vent qui les éloigne, qui les rapproche, et au moment où justement ils vont pouvoir se donner un baiser, le vent les rééloigne. Voilà. Pour l'éternité, le contrapasso. La frustration éternelle. La frustration éternelle. Alors voilà, est-ce que ça c'est terrifiant? Est-ce que c'est... ils sont comme des étourneaux portés par le vent? Les traîtres, après, c'est une horreur. Alors, les traîtres, c'est la douleur physique. C'est la douleur physique. C'est Ugolino qui est pris dans les glaces. C'est un des chants les plus terrifiant. Il y en a d'autres qui sont plus terrifiants par les images. Celui-là est absolument terrible, mais il y a énormément de choses à en dire. Cet Ugolino est pris dans les glaces parce que supprimer la motricité et finalement la capacité de parler, c'est détruire les derniers germes de l'humanité dans l'homme. Donc les fautes les plus graves sont punies par la réduction à la vie élémentaire, mais il y a des vers absolument sublimes où cet Ugolino, qui est la figure du traître par excellence, et donc par la construction même de l'enfer, l'auteur des crimes les plus graves, et quelques vers où il fait raconter la mort de faim de ses enfants dans la prison dans laquelle il est mort sur la terre, c'est quelque chose d'absolument sublime qui vous arrache des larmes. Ugolino dit d'ailleurs à Dante, si tu ne pleures pas en m'écoutant, c'est que tu as un cœur de pierre. C'est là qu'il y a une chose extraordinairement subtile chez Dante, c'est que il nous montre des êtres terrifiants et en même temps, il leur laisse une possibilité, au fond, presque de plaider leur cause. Ça, c'est d'ailleurs, aussi c'est radicalement anti-théologique. Ah, c'est ça, parce que sinon, la hiérarchie des fautes Je sais pas, peut-être que les théologiens auraient mis la luxure un peu plus, à un stade un peu plus grave, non? À un stade un peu plus grave. Par rapport à Adam. Les théologiens se seraient pas préoccupés de la faute qui pour Dante est très, très importante, qui est ceux qui ont refusé l'usage du libre arbitre. Oui. Pour Dante, le propre de l'homme, c'est la liberté du vouloir, c'est l'usage du libre arbitre. Ceux qui n'ont pas exercé cette faculté de l'homme, ils sont certes au début de l'enfer, mais leur punition, c'est que c'est la damnatio memoriae, oui. C'est le fait qu'on ne retiendra même pas leur nom. Ça, c'est une extraordinaire subtilité. Oui. Bon. Mais après, on sort de l'enfer. Comment on peut aller... Il nous fait visiter le purgatoire, c'est ceux qui ont demandé pardon, c'est ça? Alors, on sort pas de l'enfer, il y a que lui qui sort de l'enfer. Oui, lui et Virgile, je veux dire, c'est le lecteur qui est si avec bien, lui. Le lecteur. Voilà, lui, Virgile, il nous emmène le dehors. Lecteur, on peut arriver au purgatoire. Alors, l'interprétation classique, théologique, du début du purgatoire, c'est que ce sont des hommes et des femmes, mais en l'occurrence ce sont que des hommes, qui se sont repentis au tout dernier moment. Alors, ils se sont repentis, mais un peu trop tard. Moi, ce que je vois surtout dans les premiers chants du purgatoire, c'est la caractéristique des individus qui sont là, c'est qu'ils ont été des grands hommes d'action, des guerriers, et qu'ils sont morts au combat, qu'ils sont morts de mort violente. Il y a ce point qui leur est commun, qui est la mort violente, et Dante raconte la mort de Manfred, qui est le fils de Frédéric II, qui arrive avec qui a été dont le front percé par une épée. Mais il n'est pas au paradis quand même. Non, il n'est pas au paradis. Alors, il n'est pas au paradis, il y a peut-être des raisons politiques. Dante n'a peut-être pas osé faire du fils du dernier empereur un élu. Mais bon, au paradis, il y aura malgré tout celui qui aura essayé d'être empereur et qui n'y sera pas parvenu. Il n'est pas au paradis, il est au début du purgatoire. Alors, le début du purgatoire, c'est un endroit dans lequel on peut espérer progressivement s'éloigner pour monter, pour aller plus loin et donc se rapprocher du paradis. Il est là, et ce que je crois là, Dante met en scène, c'est une profonde historicité de l'expérience humaine. Voilà. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je veux dire par là qu'il est, il est pas loin de nous raconter, comme le fera Shakespeare, la triste mort des rois. Il n'est pas loin de nous raconter, au fond, l'histoire de ces êtres de pouvoir, de ces hommes de pouvoir qui ont exercé le pouvoir avec sa grandeur et aussi sa misère. Il n'est pas loin de nous dire, ben voilà, ils sont au purgatoire parce que ils sont morts de mort violente. Vous vous souvenez, chez Shakespeare, la triste chronique de la mort des rois, tous morts au combat, tous assassinés, etc. Et ceux qui l'aiment le moins ne sont vraiment pas au paradis. En l'occurrence, on va y venir, mais Manfred, le fils de Frédéric II, il était plus proche d'une faction à Florence qui n'était pas celle de Dante. Il était plus proche des Gibelins, mais on va y revenir après. Voilà, il choisit. Ce que je voulais juste suggérer, c'est qu'il y a des éléments politiques dans les personnages qu'il met, soit dans l'enfer, soit dans le purgatoire, soit au paradis. Dernière question, parce que vous avez attisé ma curiosité. Il y a des femmes dans les trois lieux? Il y a, si je ne me trompe, une seule femme en enfer. J'ai déjà cité son nom, Francesca da Rimini. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? La luxure. Ah oui, la luxure. C'est elle qui a été surprise avec son amant. Oui, donc au premier, au deuxième cercle, quoi. C'est pas trop grave. Au cinquième cercle. Ah non, quand même. Oui, ouais. Voilà. Et, mais chose très importante, c'est le premier personnage historique. C'est le premier personnage réel qui a vécu, dont les contemporains de Dante connaissaient l'histoire, qui entre dans cette affaire. Ça, c'est considérable du point de vue de la... Oui. Ça, c'est le point qu'a mis au jour Eric Auerbach. C'est l'importance des personnages historiques dans la comédie. C'est le fait que Dante ait choisi des personnages historiques contemporains ou d'un passé relativement récent pour peupler sa comédie, pour peupler son au-delà. Ensuite, il y a quelques femmes au purgatoire, mais il y en a davantage au fond au paradis. Là, il y en a. Il y en a. D'accord. Il y en a. Bon, il y a quelques saintes. Il y a quelques Béatrice. Hein. Il y a Béatrice. Femme. Béatrice bah, vient femme, du hein. vient du paradis. Elle en est descendue pour venir rejoindre Dante au purgatoire. Mais elle vit, si je puis dire, son lieu à elle. C'est le paradis. Donc rappelons, hein, Dante a deux guides successifs dans la traversée de l'au-delà de sa comédie. Virgile. Bon, et ensuite, Béatrice. Alors là, évidemment, il y a toute une affaire d'interprétation. Est-ce que, comme on l'a dit très longtemps, comme l'ont dit les premiers commentateurs de Dante, Virgile est une allégorie de la raison, et puis Virgile une allégorie de la et Béatrice une allégorie de la foi. Bon, ça, on en parlera peut-être. Peut-être. En tout cas, je voudrais maintenant qu'on comprenne ce qui est moderne chez Dante. Comment penser cette modernité? Eh bien, il y a un poète qui a vraiment considéré Dante comme un contemporain, c'est Ossip Mandelstam, dans ses entretiens sur Dante de 1933. Je rappelle que il va finir au goulag, Mandelstam, dans la Colima, peu dans la fin des années 30, où il va mourir donc près de Vladivostok à cause de son épigramme à Staline. Mais là, on parle d'autre chose, même si c'est la même date que l'épigramme à Staline. Entretien sur Dante, Ossip Mandelstam. Écoutez. Impensable de lire les chants de Dante sans les attirer vers l'époque contemporaine. C'est dans cette intention qu'ils ont été écrits. Ils sont des appareils à capter l'avenir. Ils appellent un commentaire au futur. Le temps, pour Dante, c'est le contenu de l'histoire perçu comme un unique acte synchronique. Et, à l'inverse, le contenu de l'histoire est la prise de possession en commun du temps par ceux qui le façonnent ensemble, l'explorent ensemble, ensemble le découvrent. Dante, un antimoderniste. Son actualité, inépuisable, indénombrable, intarissable. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, Margot Schmidt, pourquoi ce qui est moderne, éternellement moderne chez Dante, c'est précisément le fait qu'il soit un antimoderniste, dit Mandelstam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est alors question très très difficile, parce que si vous me laissez juste un petit préambule... Modernité, d'abord, c'est un mot que, comme vous le savez, qui apparaît de manière tardive. C'est un mot paradoxal qui dit que le fugitif, l'instantané, a une teneur qu'on pourrait éterniser. Donc le mot lui-même est paradoxal. C'est l'acception baudelairienne qui signe le concept, en quelque Exactement. Sorte, dans les années 1860. Oui. Et modernité, ce concept, il a une charge qui me semble forte en philosophie, parce que il est à la fois un concept chronologique qui permet de différencier des époques et de penser des époques de rupture. Par exemple, la modernité en philosophie, on pense que Descartes et Spinoza, pour autant que ils sont des penseurs, enfin en tout cas Descartes de la liberté de la pensée et du cogito, qui rompt avec l'autorité religieuse et théologique qui fondait jusqu'à lui la connaissance. On peut penser aussi que Kant constitue une seconde modernité, pour autant que là, avec Kant, la connaissance est coupée de l'absolu ou de l'inconditionné. Mm-hmm. Et on peut penser qu'il y a une troisième modernité qui commence peut-être avec Nietzsche et ensuite avec Benjamin et Freud, où là, la pensée, le sujet est lui-même brisé. Et donc, c'est un concept chronologique qui est problématique, c'est-à-dire on peut discuter de la chronologie, et ce qui est intéressant, on le voit bien, on l'entend bien dans le texte de Mandelstam que vous avez lu et que Pierre Bourrette a choisi, on entend très bien que c'est aussi un concept anachronique, c'est-à-dire que c'est un concept qui nous permet d'interroger le temps à rebours en le remontant en arrière. Et c'est un geste qu'on trouve d'ailleurs dans la Divine Comédie, cette remontée en arrière. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que Dante est moderne? Eh ben, il est moderne. En quel sens il l'est? Il l'est certainement. Dante, oui. Dante. Je vous disais Kant, excusez-moi. Non, Dante. Dante. Oui. Dante est moderne, pour autant que son appartenance au Moyen-Âge est en même temps une rupture. C'est-à-dire, oui. Il porte certainement beaucoup d'éléments et de matériaux du Moyen-Âge, et notamment certainement la théologie chrétienne à un point de condensation. Et il le brise peut-être par exemple la puissance des images, la nouveauté. Alors on associe souvent la modernité à la nouveauté, l'extraordinaire créativité de son écriture. Ça, c'est moderne. Des appareils à capter l'avenir, dit Mandelstam. C'était des appareils. C'est bizarre de dire appareil. Enfin, c'est des dispositifs en fait d'écriture qui qui ne cherche pas du tout à plaire à son temps, c'est peut-être ça qu'il veut dire par anti-modernisme, qui est déjà tout à fait au-delà. Oui, c'est ça. Qui est déjà tout à fait au-delà. Alors, maintenant, je voudrais savoir, Margot Schmidt, si on peut appliquer à Dante, et singulièrement à la Divine Comédie, votre concept des fractions. Alors d'abord, il faut qu'on le définisse, ce concept. Donc ce serait, si j'ai bien compris, la pensée pour vous de certains modernes, pas tous, il y en a qui font mal le boulot, si je puis dire, c'est clair dans votre livre, mais les meilleurs comprennent que l'esthétique, l'art, déborde toute conceptualisation théorique, philosophique, théologique aussi, bien sûr. Et donc vous écrivez, et c'est ça qu'on comprend là, ce qu'il y a de plus important dans l'esthétique d'après vous. L'effraction esthétique, écrivez-vous, est la rupture, la césure, l'ouverture par fente et déchirure, par brisure, par laquelle l'art affecte la sensibilité, trace en elle. Cette effraction est une destruction non négative qui arrive par surprise comme un voleur qui dévalise le sujet, ce qu'il en reste. Il y a une violence, dans les mots que vous choisissez. Il y a donc une certaine violence de l'œuvre d'art, en particulier pour le philosophe. Oui, ce qui m'intéressait, c'est d'abord de à partir de ce concept des fractions, qui est ma version, si on peut dire, dont je trouve la première forme peut-être dans l'analytique du sublime chez Kant. Hein, c'est le sublime, les fractions. Donc, oui. En effet, et c'est l'étrange aussi de Freud. Bien entendu, c'est l'effet d'étrangeté de la chose artistique, dites-vous plus loin que l'extrait que j'ai lu. Ce qui m'intéressait, c'est de remonter la modernité pour me demander comment les philosophes ont cherché, ont mis le pouvoir philosophique à l'épreuve de l'art et ont cherché dans l'art à la fois quelque chose qui leur présentait une limite pour la philosophie, en même temps une origine commune, une condition de possibilité. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de montrer comment ces philosophes, on va dire de Kant à Benjamin, selon deux scansions de la modernité, comment ils s'intéressent à ce qui vient à la fois interrompre la condition de possibilité de la représentation et en même temps comment ils sont sensibles à la manière dont le tissu sensible, le continuum sensible est brisé, d'abord est coupé et ensuite est brisé. Et donc dans le sublime, il y a une dimension d'autre, d'inconnu, d'inconscient, de fantôme, et quelque chose qui produit une fracture, une fragmentation et aussi une espèce de dilapidation d'un héritage. Alors ce que je trouve vraiment très intéressant dans votre livre, c'est qu'en même temps, certains penseurs, notamment romantiques, ont eu tendance à dire tout ça, mais en vérité ont mythifié l'esthétique. C'est-à-dire que dans cette étrangeté, dans cette césure, ils ont saisi une sorte de transcendance, au fond assez évidente, malgré ce qu'ils écrivaient, un peu pontifiante sans doute. Et là, vous critiquez cela, vous dites que c'est une déformation, et même pire, une trahison de l'idée d'effraction qui vous est chère. Et évidemment, là, on retrouve un peu la trace de la critique, par exemple, de Wagner par Nietzsche. Wagner, que Nietzsche a beaucoup aimé, et ben, il rompt complètement avec lui dans les années 1880. Il fait ce texte où il dit qu'au fond, il y a une hystérie wagnérienne autour de l'amour, autour de la foi, autour de l'esthétique. Et d'ailleurs, au passage, ça fait désormais de la mauvaise musique, dit-il. Mais sur le plan conceptuel, vous allez chercher, comme Nietzsche, pas du tout le pontifiant, le mythe, l'hystérique. L'effraction, c'est le fragment, c'est le bizarre. C'est autre chose pour vous, comme pour Nietzsche. Disons que ce qui m'intéresse en ce moment, depuis mon précédent livre, La vie sans appui, jusqu'à celui-ci, Les fractions esthétiques, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment de liquidation du travail de la modernité. Et moi, mon projet, depuis deux livres, c'est de tenir le pas gagné de la modernité. C'est-à-dire, c'est l'idée que ça a été quelque chose de tellement intense et une telle avancée de la pensée, de la sensibilité, que je pense qu'il faut, dans un mouvement de retour en arrière, se remémorer cette modernité, donc lire les textes déjà. Ouais. Et... pour moi, le livre de Pierre Bourrette, c'est un exemple de lecture attentive et philologique. Nous sommes dans nos liens. Voilà. Maintenant. Et alors, oui. La deuxième chose, c'est que cet héritage de la modernité, contre un moment contemporain où il s'agit de liquider ce travail de la modernité, qui est notamment un travail d'anamnèse, de remémoration, comme condition de la pensée, ça ne va pas sans une réécriture. Vous voyez, la lecture ne va pas sans une réécriture. Et donc c'est beaucoup plus important qu'une mythification du passé. Au fond, là, j'espère que vous avez saisi là, le compliment, Pierre Bourette. Là, ce que Marc Goldschmidt est en train de vous dire, c'est que oui, c'est comme ça qu'il faut faire, aller chercher des œuvres qui ont un pouvoir d'effraction, déjà à leur époque considérable, mais les lire aussi avec une liberté et pas du tout comme des cathédrales dans lesquelles on s'agenouillerait. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que la notion d'effraction de Marc Goldschmidt suggérait de travailler votre livre à son ombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez lu le livre de Marc Goldschmidt? Je l'ai bien sûr lu. Alors, quand vous nous avez proposé l'émission, je me suis dit, bon, on risque un peu là des balançoires pour passer de l'un à l'autre, et finalement, non. Ce qu'on peut entendre, par exemple, dans le petit passage d'Ossip Mandelstam, magnifique, oui, que vous avez lu, vous avez buté sur des appareils à capter l'avenir. Oui. Des appareils, pourquoi? Oui, Mandelstam propose de lire la comédie comme une expérience, comme un dispositif expérimental. Moi, j'ai repris ça complètement à mon compte. Chez lui, c'est presque un aphorisme. Je l'ai repris complètement à mon compte pour essayer de montrer que oui, la comédie, c'est une expérience intellectuelle, c'est au fond une expérience philosophique, qui n'a pas tout à fait les appareils d'expérience auxquels pense Mandelstam, qui malgré tout quand même partage un peu l'imaginaire soviétique de son temps, mais appareil à capter l'avenir, il a profondément raison. Il y a presque une preuve matérielle, enfin en tout cas dans la matérialité de la langue. Quand Dante choisit d'écrire en langue vulgaire, en langue vernaculaire et non pas en latin, ça c'est une effraction extraordinaire dans la culture de son temps. Ça lui sera reproché pendant des siècles, y compris par les humanistes, qui auront pour lui, les humanistes italiens des générations suivantes, auront pour lui une très grande admiration, mais pourront pas se défaire de l'idée qu'il a pas compris, que la grandeur esthétique pour eux, ce sera de revenir au passé, de revenir à Cicéron et à Virgile. Bon, il y a aussi une effraction dans la comédie qui est l'effraction de l'histoire. Là encore, faire entrer l'histoire dans ce grand poème de l'au-delà chrétien, c'est une effraction absolument extraordinaire. Bon, et puis peut-être que moi j'ai un peu aussi fait ma propre effraction dans le monde de la dentologie, parce que je viens pas de là, et c'est vrai que j'ai risqué une sorte de défraction là-dedans, et je ne l'ai fait, j'avais pas prévu d'écrire un livre sur Dante, c'était pas du tout prévu, ça s'est produit pour des raisons qui tiennent à des choses personnelles, mais je n'avais jamais imaginé me risquer à écrire un livre sur Dante, sur un monument de la littérature que j'avais fréquenté depuis toujours, lu, relu, qui était dans... Mais jamais je ne me suis dit, je vais faire en philosophe un travail sur Dante. En plus, il y avait un travail qui restait monumental, qui était celui d'Étienne Gilson. Donc, je me suis décidé à me risquer à écrire ce petit livre sur Dante, qu'au moment où j'ai eu la conviction que peut-être mon effraction dans le monde des études sur Dante pouvait produire son effet. Et là, j'ai cherché non pas à me mettre sur cet agenda, à m'inscrire dans cet agenda des études sur Dante d'aujourd'hui, mais au contraire, de faire effraction là-dedans avec mes propres questions, avec les questions que j'avais posées autrefois à Maïmonide, que j'avais posées à d'autres auteurs, la question de l'art d'écrire, la question de la manière dont la philosophie parfois fait effraction et non pas simplement, n'est pas une question de spécialité, n'entre pas dans des systèmes, n'est pas l'histoire des systèmes. Donc voilà, j'ai peut-être aussi un peu fait mon effraction dans un monde qui n'était pas le mien, et peut-être on me le reprochera, peut-être ça me sera reproché. Alors là, je peux vous dire, pas ici, c'est même exactement l'angle que nous avons choisi pour cette émission. Donc je dis aux auditeurs qui viendraient peut-être de nous rejoindre que nous parlons de Dante comme effraction moderne en plein Moyen-Âge. Je suis en compagnie de Marc Goldschmidt qui théorise la notion d'effraction dans son dernier livre, d'effraction esthétique, dans son dernier livre paru chez Quimet, et de Pierre Bourette qui vient de sortir un sur Dante chez Gallimard. Guillemard. Alors, je pense qu'il est temps maintenant, Pierre Bourette notamment, d'aller voir qu'une des choses qui constitue l'effraction de Dante, c'est de mettre de la politique dans le poétique. La Divine Comédie ne correspond pas au canon de la théologie, notamment pour cela, parce qu'il y a des traces politiques, et donc il nous faut faire un tout petit peu un retour en arrière historique. Qu'est-ce qu'était Florence à la charnière du 13e et du 14e siècle, qui était Dante, etc. Alors, pour cela, rien ne vaut un bon historien. Écoutez Jacques Madaul sur Dante. Il s'exprimait sur France Culture en septembre 1965. Lorsque Dante est venu au monde, Florence et l'Italie étaient tout entières, sauf peut-être le royaume de Naples dans l'extrême sud, était tout entière dans un état de guerre civile ouverte ou larvée. Elle était divisée par cette fameuse querelle des Guelfes et des Gibelins. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'une querelle qui avait des origines, je dirais, anecdotiques. Par exemple, lorsque le jour de Pâques 1215, Buondelmonte a été assassiné sur le Ponte Vecchio, tous les chroniqueurs florentins sont d'accord pour faire dater de ce crime l'origine de la division des Florentins en Guelfes et en Gibelins. Une querelle de famille privée avait ainsi dégénéré. Et on pourrait trouver de cela d'innombrables exemples dans d'autres villes d'Italie. Alors, Jacques Madaul nous explique là que Florence est depuis, en gros, 12e siècle, mais c'est le cas de d'autres cités hein, en Italie. Une cité-État, comme ça, des petites cités, elles cherchent souvent des protecteurs. Elles ne sont pas toujours d'accord à propos du choix de leurs protecteurs. Oui, tantôt un empereur, tantôt un pape. Et la différence entre les Gibelins et les Guelfes, communément expliquée, c'est que les Gibelins croient beaucoup au moment des conflits entre Frédéric II et le pape à Frédéric II, il joue la carte de l'empereur, alors que les Guelfes jouent plutôt la carte du pape. Cela dit, il ne faut pas simplifier ces choses-là, et je propose de réécouter Jacques Madaul sur précisément la différence entre les Guelfes et les Gibelins. Les Gibelins aspiraient en effet à une suprématie de l'Empire sur la papauté, au lieu que Dante considère que si le pape doit être absolument souverain dans le domaine spirituel, c'est-à-dire dans le domaine du salut, dans tout ce qui concerne la conduite des âmes vers le salut, l'empereur doit l'être dans tout ce qui concerne l'établissement du bonheur ici-bas. Et alors, il divise en quelque sorte ces deux fonctions et il ne pense pas que l'une doive être subordonnée à l'autre. Ce qu'il y a de plus profond, je crois, dans la doctrine politique de Dante, c'est que il pratique des distinctions absolues entre les divers domaines. D'un côté, le domaine spirituel où, en effet, rien ne doit s'opposer au pouvoir du pape, et de l'autre côté, le domaine temporel où rien ne doit pouvoir s'opposer au pouvoir de l'empereur. Il considère que c'est la confusion des pouvoirs, que c'est le fait pour la papauté de prétendre à une domination directe ou même indirecte sur le temporel. C'est de là que sont sortis tous les malheurs de l'Italie et du monde. Donc vous l'aurez compris, Dante est un guelfe et pas un gibelin, mais c'est un guelfe qui pense qu'il faut un équilibre entre le pape et l'empereur. Il ne veut pas non plus un pape complètement hiérarchiquement supérieur à l'empereur. De ce point de vue-là, quand il va occuper des fonctions politiques au sein d'un gouvernement qui est guelfe, et il sera notamment prieur des arts en 1300, je voudrais bien d'ailleurs que vous m'expliquiez ce que c'est, s'il vous plaît, Pierre Bourette, à ce moment-là, il rejoint ce qu'on appelle les guelfes blancs, qui sont pour quand même que le pape n'en fasse pas trop, alors que si j'ai bien compris, les guelfes noirs, ils sont vraiment mains liées devant le pape. Est-ce que ça va comme résumé, Pierre Bourette ? Ça résume très bien. Alors, je rassure les auditeurs, hein, Jacques Malo, 1965, on n'est pas à la nuit, on n'est pas dans les nuits de France Culture. C'est bien, nous sommes bien, il est 11h du matin, donc 10h30 du matin, pour dire que, bien sûr, il résume parfaitement le schéma, tableau le tableau d'une affaire, d'une situation politique italienne de l'époque de Dante, d'une effroyable complexité. Bon, il a très bien dessiné. Le cadre Guelph-Ghibelin, ouais. Ce cadre-là, il est inactuel depuis la mort de Frédéric II, à peu près 70 ans plus tôt, parce qu'il n'y a pas de candidat à l'Empire. Donc, le ghibellinisme est un peu fantomatique, ouais. Parce qu'il n'a pas de candidat. Ce qui va se produire du vivant de Dante. Donc, Dante commence par être effectivement un guelf, c'est-à-dire un partisan des libertés communales. Vous m'interrogez sur la fonction de prieur, le système institutionnel de la cité, parce que tout se passe dans la cité de Florence. Chaque cité a ses propres institutions, elles sont mobiles, elles se transforment. La fonction de prieur, c'est une fonction élective, pour une durée de seulement quelques mois, de participation au pouvoir communal. Dante a exercé cette fonction dans ce système. C'est à l'intérieur de la cité, c'est les libertés civiles, c'est le modèle au fond un peu de la cité romaine, républicaine. Donc c'est là qu'il faut bien entendre que le guelphisme, c'est le camp du républicanisme, par opposition au ghibellinisme qui est le camp de l'Empire, donc d'une structure politique à une échelle considérablement plus grande. Mais une fois encore, elle est inactuelle. Madol a raison d'insister sur le fait qu'il y a dans tout ça des conflits personnels, des conflits de famille, des conflits qui recoupent aussi des enjeux sociaux. Et à l'époque du début de la carrière politique de Dante, de la seule vraie carrière politique de Dante, le camp guelf, le camp républicain est divisé en deux, entre blanc et noir. Vous avez dit justement, les noirs sont ceux qui collent vraiment aux intérêts de l'Église. Tout ça va quand même conduire au fait que Dante est condamné à mort. Voilà, donc Dante il est sorti très mal se passer. Il n'y reviendra jamais. Parce que là, il y a un moment, ça va l'énerver aussi, voilà. Ce que fait le pape, qui pour le coup essaye de... Plus que l'énerver. D'ailleurs, le pape en question finira en enfer, dans la comédie. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en fait, il va être exilé, il écrira la Divine Comédie. En fait, il réglera beaucoup de comptes politiques aussi dans ce texte. Donc, vous venez de le dire, il y a beaucoup de papes dans l'enfer de Dante, ou bien c'est un privilège de Clément V? Non, il y en a plusieurs. Il y en a d'autant plus que, précisément, ce que décrit Dante dans le cercle où ils sont, c'est qu'ils sont précipités dans une fosse, et ceux qui arrivent poussent vers le fond ceux qui étaient déjà là. Donc, non seulement il y a plusieurs papes en enfer. Donc là, on comprend vraiment bien pourquoi c'est une effraction par rapport à tous les religieux de l'époque. Absolument, c'est une effraction absolument considérable. C'est Dante qui se permet d'envoyer en enfer les papes qui ont précédé ce qu'il a connu, celui qu'il a considéré comme un adversaire presque personnel. Faut pas oublier qu'ensuite il est passé à la cause impériale. Madol l'a très bien résumé aussi dans le premier extrait que vous avez passé. Bon, il a défendu une thèse qui ne plaisait pas à l'Église, qui était effectivement la mise au même niveau du pouvoir temporel de l'empereur et du pouvoir spirituel du pape. Ce que je voudrais sortir malgré tout du passage qu'avait Jacques Madol en résumant ça, c'est cette idée quand même, qui alors là, pour ce qui est de l'effraction de modernité dans le monde de Dante, c'est qu'il nous propose cette théorie, mettre à égalité de pouvoir par une séparation temporelle, spirituelle, le pape et l'empereur. Ça plaisait pas du tout à l'Église. Et il ajoute, en tant qu'ils sont hommes, ils doivent être ramenés à l'homme excellent qui est la mesure de tous les autres et pour ainsi dire son idée. Si je vous avais lu ça sans vous dire de qui c'était, vous m'auriez dit que c'était de Kant. Oui. Ou en tout cas, il dit que l'optimus homo, je crois que je suis presque sur le même passage que vous dans votre propre livre, l'optimus homo est la norme. On peut le penser quand on est un homme. On n'a pas besoin de Dieu pour penser. Exactement. Ça. C'est une idée qui n'a rien à voir avec l'esprit de quelqu'un du Moyen-Âge, écrivez-vous. Et ça, c'est terrible. Notamment, ça va contre l'augustinisme qui est en train un peu d'envahir doucement l'Europe, fin du Moyen-Âge et encore Renaissance. L'idée de la misère de l'homme, accablé, prédestiné, l'humilité vis-à-vis de Dieu. Bon, ça, il y a beaucoup d'autres Italiens dans l'humanisme civique qui trouvent que ça va bien, quoi. Oui, ça va bien, d'accord. Oui, ils aiment bien la politique et tout. Oui. Mais chez Dante, c'est un point maximal. C'est-à-dire qu'en plus, il le fait en parlant de théologie, en parlant d'enfer. Exactement. Donc, c'est une effraction. En en réglant le problème qui obsède non seulement l'Italie, mais qui obsède l'Europe entière, du rapport entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Alors effectivement, Dante est absolument complètement étranger à l'augustinisme qui va réapparaître après avec quelqu'un comme Pétrarque, par exemple, qui lui est complètement pétri d'augustinisme, qui a, Augustin est une sorte de surmoi. Sauf peut-être quand il escalade le Mont Ventoux, c'est un petit peu audacieux pour un augustinien. Mais oui, sauf qu'au moment où il y arrive, il découvre par hasard qu'il a un livre d'Augustin, il a les confessions dans sa poche, et qu'Augustin, justement, le rappelle à la critique de la curiosité. Dante, c'est aussi celui qui ose aller voir là où personne ne va, enfin tout ça. Voilà, ça c'est quelque chose que Augustin et que Pétrarque n'a pas aimé à l'évidence chez Dante. Mais en tout cas, pour en rester au point politique, cette idée de l'optimus homo, de l'homme étalon de tous les hommes, y compris le pape, y compris l'empereur, ça c'est l'effraction dans le monde de Dante, dans le monde du Moyen-Âge, d'une idée alors qui non seulement fait un pas en avant, mais qui saute au-dessus de la Renaissance, qui saute au-dessus de la première modernité pour arriver. Oui, voilà, chez Kant. Que Augustin mettait dans le catalogue des vices et qu'il a célébré. Voilà. Alors, on va revenir maintenant au problème de l'effraction, lui-même, avec Marc Goldschmidt. Bon, vous, ce que vous écrivez dans votre livre, c'est que, notamment au Quattrocento, donc là, c'est le 15e siècle, c'est deux siècles après Dante, là, il y a eu clairement, dans la peinture notamment, une blessure, dites-vous, une césure. L'ordre théologique a vu qu'il ne parvenait plus à soumettre la peinture. C'est l'expression que vous employez. Mais au fond, on peut avoir fait ça déjà deux siècles avant. Au fond, l'effraction, c'est pas juste certains moments historiques, c'est aussi des individualités qui percent leur propre présent. Et donc, Dante est en avance d'au moins deux siècles. Mais oui, parce que les bouleversements de la pensée, de la sensibilité, de l'art et de l'écriture n'arrivent pas, d'un bloc et les choses prennent du temps, un temps long et souterrain, et certainement que ce qui va se passer avec la première modernité, et notamment dans la peinture italienne, tout ce qui vient troubler les structures de le dispositif de la perspective monoculaire pensée par Alberti, par exemple tout ce qui est de l'ordre de la couleur ou tout ce qui est de l'ordre du rapport entre couleur et lumière, toute la question du cadre, tout ça bouge et c'est déstabilisé et peut-être potentiellement ou tendanciellement brisé quasiment au moment où c'est institué d'ailleurs, au moment du Quattrocento, mais peut-être que ça n'aurait pas été possible ce geste de défraction, pour reprendre le concept que je fais travailler dans mon livre, sans qu'il y ait une longue en amont un long travail de déstabilisation. Et c'est vrai que la Divine Comédie elle est passionnante et elle est troublante et elle est fascinante parce qu'elle est double, c'est-à-dire que Dante hérite comme tout penseur du Moyen-Âge, il hérite d'une structure théologique hégémonique. Oui. Et en même et temps... Et il la perce, il et la brise. Tout est, et tout est à la fois extrêmement ressemblant et dissemblant, méconnaissable. Alors, je voudrais qu'on parle peut-être d'une personne à laquelle vous rendez un vrai hommage. Je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez. Donc ça me fait d'ailleurs réfléchir avec philosophie. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'en parler davantage. C'est Jean-François Lyotard. D'autant que chez Jean-François Lyotard, il y a aussi une réflexion politique. Donc vous dites que lui, il a bien compris cela, que dans l'esthétique, face aux grandes œuvres d'art, l'économie libidinale, donc Eros, dites-vous, erre, il y a une sorte de désir en nous qui n'est pas fixé, une économie libidinale, dites-vous, qui est aussi une économie politique et qui est une économie picturale, avec cette idée d'un désir qui n'est pas pleinement satisfait, qui est dans une forme d'errance. Et alors, vous n'employez pas le mot d'utopie, je crois que vous ne l'aimez pas beaucoup ce mot, mais est-ce que ça n'ouvre pas incroyablement ce qui nous arrive lorsqu'on est dans une expérience esthétique? Et est-ce que ça ne jette pas un pont vers des enjeux politiques? C'est-à-dire que c'est aussi ce type de désir errant qui nous permet d'imaginer... de sortir d'une situation politique. Et ce pont-là, je pense, Lyotard fait, vous ne le faites pas totalement. Est-ce que je me trompe ? Non, non, vous vous trompez pas. Le projet de mon livre est peut-être lyotardien, c'est-à-dire que Lyotard est celui qui, malgré tout, même s'il a tendance à réduire la modernité et la fin de la modernité à la fin des grands récits, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi aujourd'hui le travail de la modernité est liquidé, c'est-à-dire le travail qu'on a chez Dante de catabase, on descend au royaume des morts dans l'idée que c'est eux qui vont nous éclairer sur l'avenir. Ce geste extrêmement fort qui est celui de l'enfer, qui est la condition pour une élévation, pour une purification et une élévation littéraire, hein, parce que c'est un geste littéraire. Moi, c'est aussi ça qui me fascine chez Dante. C'est à la fois, il y a des appareils à capter l'avenir, donc il y a des appareils photographiques, on pourrait dire, mais photographiques littéraires. Oui, littéraire, mais il y a peut-être aussi les enjeux politiques qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la question de la bonne cité ne quitte jamais Dante, n'est-ce pas Pierre Bourrette ? Non seulement elle ne quitte jamais Dante, mais je pense que c'est cette question qui, justement, explique quelque chose qui a fasciné beaucoup de gens, qui a inquiété beaucoup de gens. Il y a des pages de Gramsci, par exemple, tout à fait intéressantes là-dessus. C'est que dans le système de catégories historiques que tissait pour nous tout à l'heure Jacques Madaule, il est passé d'un camp à l'autre. Il a commencé dans le camp des libertés civiques, dans le camp du guelfisme. De facto, il est devenu, quand il écrit la Monarchia, il est devenu un gibelin. Il est devenu un partisan de l'Empire. Non. Alors, on peut discuter de... Il y a beaucoup d'interprétations, y compris celle qu'il a simplement tourné kazakh, changé de camp. Je crois que, justement, vous avez parfaitement vu les choses. Moi, je crois qu'il a simplement fait progresser sa réflexion sur la civitas, sur la cité et le bon échelon, la bonne taille de la communauté politique dans laquelle peut se réaliser de manière optimale la liberté de l'homme, donc, l'exercice du libre arbitre. Et il est devenu grinçant avec les papes d'une manière qui n'était pas... C'était pas du tout le cas 30 ans plus tôt. Alors dans sa vie. Ça c'est non, il est devenu grinçant avec les pains. Bon, mais ça c'est l'aspect pratique de son action politique. C'est aussi politique, hein, la question du pape. Hein. Mais il y a une question politique qui est que il attrape à la fin de la période où de son engagement républicain, juste après avoir été condamné à mort, quand il commence à faire un peu le bilan de ça, la notion de bona civitas, de bonne cité, et petit à petit son raisonnement avec un raisonnement aristotélicien de son temps, fait monter en puissance vers l'universalité, vers une commune humanité, l'idée de la définition de l'espace dans lequel peut se déployer la liberté de l'homme. Et là, effectivement, il passe au-dessus de la dimension italienne et il arrive à la dimension impériale. Parce que c'est là que, à travers une multitude, peut se réaliser l'idéal de l'homme, selon Aristote, qui est le passage de son intellect, de la puissance à l'acte et la réalisation de sa perfection. Ça, ça plaît pas non plus au pape, ça plaît pas aux disciples de Thomas d'Aquin, ça plaît à personne. Franz Liszt, l'enfer, c'est joué par l'Orchestre Philharmonique de la BBC en 2009. Je vous remercie beaucoup Pierre Bourette et Marc Goldschmidt pour cet échange sur Dante, mais pas seulement sur Dante, sur le concept des fractions que Dante illustre pour nous, illustrait pour nous ce matin. À présent, c'est le moment de la chronique de Frédéric Worms qui nous parle de l'attendu et de l'inattendu cette semaine. Voici le pourquoi du comment. Comment agir sans attendre? Il y a un problème tout à fait particulier dans l'expérience de l'attente, d'un mal, bien entendu, mais aussi dans l'expérience de l'attente d'un bien, et peut-être dans l'expérience de l'attente tout court, c'est qu'elle peut nous paralyser. C'est que pendant l'attente, évidemment, le sujet se bloque, s'arrête, et semble simplement figé dans l'attente de cet avenir qui pourra alors déclencher son action. C'est le cas même quand, dans une expérience très négative, nous attendons que cela aille mieux pour agir. Nous sommes certes révoltés, inquiets, mais nous nous disons « attendons que les choses se clarifient, attendons d'y voir plus clair avant d'agir ». C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, pour certains et certaines, face aux grands dangers du moment présent, par exemple, et avant tout à l'expérience des catastrophes climatiques possibles, encore représentées comme possibles ou à venir, et tellement disproportionnées que nous ne savons pas comment agir, attendons d'y voir plus clair, ou bien face à des catastrophes annoncées, des risques politiques majeurs, eh bien nous savons qu'ils peuvent venir, nous attendons de voir, nous pouvons attendre le pire, nous attendre au pire, espérer le meilleur, et en tout cas nous sommes parfois tellement tétanisés par la perception à la fois d'un risque à venir et du temps qui nous en sépare que nous sommes deux fois paralysés, que nous n'avons pas toutes les données pour agir, nous attendons d'être certains et nous attendons donc tout court sans agir. Blaise Pascal pourtant nous avait prévenu, y compris d'un point de vue théologique, en disant dans cette phrase bien connue, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, le temps nous est compté, il faut agir ici et maintenant, disait aussi Jean Kelevitch, et donc il faut agir sans attendre. Attendre, c'est aussi la démission face à l'action, même si l'attente, on le sait, on l'a dit, on l'a vu, l'attente est aussi une ouverture vers l'avenir, et est aussi quelque chose d'irréductible dans notre cœur, nous attendons le bien, et nous redoutons le mal, et cette attente du bien est plus forte même que la peur du mal. Mais il faut pourtant agir sans attendre. Devant une négativité, justement, il ne faut pas seulement attendre qu'elle se résolve toute seule, elle attend de nous une action. Il y a une attente de notre action sans attendre, mais sur la base de principes clairs, nous orientant vers la justice, vers ce qui peut résoudre pour tout le monde les problèmes qui se posent à chacun, il y a une action immédiate et au moins une protestation immédiate, une mise en jeu qui va nous éclairer sur les principes eux-mêmes, qui va nous éclairer sur ce qui se passe sans attendre que cela s'éclaire tout seul. Dans son livre posthume, Une brève histoire de l'économie, l'économiste Daniel Cohen, préfacé par Esther Duflo, qui souligne ce point justement dans sa préface, Daniel Cohen a une phrase prémonitoire, une phrase extraordinaire, je trouve, en ce sens, même si cela n'a rien d'un testament. Il écrit « Il ne faut pas distinguer la réflexion et l'action ». C'est en faisant les choses qu'on transforme son imaginaire. Il faut commencer à vivre autrement, même si les gestes de départ sont symboliques pour faire l'apprentissage d'un monde à inventer. Il faut ressentir non pas seulement de la tristesse face au monde qui se délite, mais de la joie pour celui qui est possible. Il faut donc commencer à agir pour transformer le monde et se transformer soi-même, et cela sans attendre. L'attente est un phénomène indispensable de la vie humaine. Il a un versant négatif et de souffrance, un versant de désir. Mais si nous attendons quelque chose du monde, commençons à le produire dès maintenant. Merci Frédéric Worms. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin. Et merci à tout le reste de l'équipe, Carla Michel, Chaïma Giboire, Lila Bozès et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.